بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alif, Lam, Mim, Ra. Voici les versets du livre, ce qui t'est révélé par ton Seigneur est la vérité, mais la plupart des gens ne croient pas. C'est Dieu qui a élevé les cieux, sans pilier que vous puissiez voir, et puis s'est installé sur le trône. Il a soumis le soleil et la lune, chacun poursuivant sa course vers un terme fixé. Il dirige l'ordre universel. Il expose en détail les signes. Peut-être aurez-vous ainsi la certitude de la rencontre avec votre Seigneur. ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. C'est lui qui a étendu la terre, y a disposé montagnes et fleuves, et toutes sortes de fruits. Il les a fait en couple, mâles et femelles. Il étend la nuit comme un voile au-dessus du jour. Certes, il y a là des preuves pour des gens qui réfléchissent. Sur la terre, il y a des terrains voisins, les uns des autres, des plantations de vignes, des champs de céréales et des palmiers, en touffes ou espacés. Bien que tous arrosés de la même eau, nous faisons en sorte que certains produisent des fruits meilleurs et plus savoureux. Certes, il y a des preuves pour des gens qui raisonnent. وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ. Si tu dois t'étonner, rien de plus étonnant que leur dire « Lorsque nous serons poussière, serons-nous vraiment ressuscités en une nouvelle création ?» Tels sont ceux qui ne croient pas en leur Seigneur. Ce sont eux qui auront des carcans autour du cou. Ils seront les habitants du feu, dans lequel ils demeureront éternellement. Ils te demandent de hâter la venue du malheur plutôt que de hâter celle du bonheur, alors que des châtiments exemplaires se sont produits avant eux. Mais ton Seigneur est très pardonneur envers les gens, malgré leur injustice. Il est aussi très sévère en punition. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. Ceux qui ne croient pas disent « Si seulement un signe lui avait été descendu par son Seigneur, tu n'es qu'un avertisseur, et pour chaque peuple, il y a un guide. » Dieu sait ce que porte chaque femelle, et de combien la période de gestation dans leur ventre est écourtée ou prolongée. Il impartit à toute chose ses justes proportions. Il est le connaisseur de ce qui est caché et de ce qui est apparent, le grand. Le trio. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. Cela lui est égal que vous gardiez secrètes vos paroles ou que vous les déclariez ouvertement, que vous vous cachiez dans la nuit ou que vous vous montriez au grand jour. 11. Devant et derrière chaque personne se trouvent des anges qui se relayent et qui veillent sur elle par ordre de Dieu. En vérité, Dieu ne modifie pas l'état d'un peuple tant que celui-ci ne modifie pas ce qui est en lui-même. Lorsque Dieu décide d'infliger un mal à un peuple, nul ne peut le repousser. Ils n'ont en dehors de lui aucun protecteur. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. C'est lui qui vous montre l'éclair, qui vous inspire crainte et espoir, et qui élève les lourds nuages. Le tonnerre le glorifie, de même que les anges par crainte et respect pour lui. Il envoie la foudre avec laquelle il frappe qui il veut et pourtant ils débattent, pleins de doutes, au sujet de Dieu, alors qu'il est redoutable dans sa force. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. Vers lui seul doit être dirigée l'invocation véritable. Ceux qu'ils invoquent en dehors de Dieu ne leur répondent d'aucune façon. C'est comme s'ils tendaient leurs mains vers l'eau, tout en espérant que l'eau vienne d'elle-même à leur bouche. Certes, elles ne parviendraient jamais à l'atteindre. La prière des mécréants n'est qu'un égarement. C'est vers Dieu que se prosternent, de bon cœur ou contre leur gré, tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre, jusqu'à leur ombre qui s'incline devant lui, aux premières heures du matin et en soirée. قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ. Dis, qui est le Seigneur des cieux et de la terre? Dis, Dieu. Dis, prendrez-vous alors, en dehors de lui, d'autres protecteurs qui ne détiennent aucun contrôle, même pour eux-mêmes sur le bien ou le mal? Dis, l'aveugle et celui qui voit sont-ils égaux? Et les ténèbres sont-elles égales à la lumière? Ou attribue-t-il à Dieu des associés, qui créent des choses semblables à sa création, de sorte que les deux créations leur semblent identiques? Dieu est le créateur de toutes choses. Il est l'unique, le dominateur suprême. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. Du ciel, il fait descendre l'eau à laquelle des vallées servent de lit, selon leur étendue. Le torrent charrie une écume flottante, semblable à l'écume produite par ce qu'on fait fondre dans le feu pour fabriquer des bijoux et des ustensiles divers. Ainsi, Dieu présente-t-il en parabole la vérité et le faux. Quant à l'écume, elle s'en va mourir comme l'écume de mer sur les berges, tandis que ce qui est utile aux gens demeure sur la terre. C'est ainsi que Dieu propose des paraboles. للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ. La félicité est pour ceux qui répondent à l'appel de Dieu. Quant à ceux qui ne répondent pas à son appel, s'ils possédaient tout ce qui est sur la terre, et même le double, c'est en vain qu'ils l'offriraient en rançon. Ceux-là vivront une terrible reddition de compte, et l'enfer sera leur demeure. Quel misérable lieu de repos! أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَن هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ. Celui qui sait que ce qui t'est révélé par ton Seigneur est la vérité, est-il semblable à l'aveugle? Seuls les gens doués d'intelligence prêtent attention, ceux qui remplissent leurs engagements envers Dieu et qui ne violent pas le pacte conclu, qui unissent ce que Dieu a ordonné d'unir, craignent leur Seigneur, redoute une terrible reddition de compte. وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. Persévère dans la recherche de l'approbation de Dieu, qui observe scrupuleusement leurs prières, dépense en secret et en public de ce que nous leur avons attribué, et repousse le mal par le bien. À eux la récompense finale de la demeure éternelle. Les jardins d'Éden dans lesquels ils entreront, en compagnie de tous ceux de leurs ancêtres, époux et descendants, qui auront fait le bien. De chaque porte, les anges afflueront vers eux. Paix sur vous, car vous avez persévéré, comme est excellente votre demeure finale. وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. Ceux qui rompent leur pacte avec Dieu après l'avoir conclu, qui rompent ce que Dieu a ordonné d'unir et qui sèment la corruption sur terre. Sur eux la malédiction et à eux l'affreuse demeure dernière. Dieu dispense largement sa subsistance ou la restreint à qui il veut. Ils se réjouissent de la vie sur terre, mais la vie d'ici-bas n'est qu'une jouissance éphémère en comparaison de l'au-delà. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن أَنَابَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. Ceux qui ne croient pas disent: si seulement un signe lui avait été envoyé par son Seigneur. Dit: en vérité, Dieu égare qui il veut et il guide vers lui tous ceux qui se repent. Qui croit et dont le cœur se tranquillise à son évocation. N'est-ce point par l'évocation de Dieu que se tranquillisent les cœurs? Ceux qui croient et font de bonnes œuvres, à eux la béatitude et une issue heureuse. قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابَ. Ainsi nous t'avons envoyé à une communauté que d'autres ont précédée, pour que tu leur récites ce que nous t'avons révélé. Les voici qui ne croient point au tout miséricordieux. Dis: il est mon Seigneur, nulle divinité à part lui. C'est en lui que je place ma confiance, et c'est à lui que je me repens. وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَل لِّلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. S'il y avait un Coran qui puisse mettre les montagnes en marche, fendre la terre ou faire parler les morts, ce serait celui-ci. C'est plutôt à Dieu le commandement tout entier. Ceux qui croient ne savent-ils pas que si Dieu l'avait voulu, il aurait guidé tous les hommes? Quant à ceux qui ne croient pas, les désastres ne cesseront de les frapper à cause de ce qu'ils font, ou alors ils s'abattront tout près de leur demeure jusqu'à ce que vienne la promesse de Dieu. Dieu ne manque jamais à sa promesse. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ. On s'est certes moqué des messagers avant toi, alors j'ai accordé un répit aux mécréants, puis soudain, je les ai saisis. Et quel fut mon châtiment? أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنْ من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. Celui qui observe ce que chaque âme acquiert est-il semblable à celui qui n'est au courant de rien? Pourtant, ils attribuent des associés à Dieu. Dis, nommez-les. Prétendez-vous l'informer de quelque chose qu'il ne connaîtrait pas sur terre? Ou avez-vous été simplement séduit par de belles paroles? En fait, les mécréants ont été séduits par leurs propres stratagèmes et on les a empêchés de prendre le droit chemin. Et celui que Dieu égare n'a plus personne pour le guider. Un châtiment les atteindra dans la vie présente, mais le châtiment de l'au-delà sera bien plus écrasant. Ils n'auront nul protecteur contre Dieu. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. Tel est l'exemple du paradis qui a été promis à ceux qui remplissent leurs devoirs envers Dieu. Des ruisseaux coulent en dessous et ses fruits et son ombrage sont perpétuels. Quelle sera la récompense des pieux, tandis que celle des mécréants sera le feu. Ceux à qui nous avons donné le livre se réjouissent de ce qui t'est révélé. Mais parmi les clans, certains en rejettent une partie. Dis, il m'est seulement commandé d'adorer Dieu et de ne rien lui associer. C'est lui que j'implore et c'est vers lui que je retournerai. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٍ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ. Ainsi avons-nous révélé le Coran sous forme de normes en langue arabe. Si tu suis leur passion, après ce que tu as reçu comme savoir, il n'y aura pour toi contre Dieu ni allié ni protecteur. Nous avons certes envoyé avant toi des messagers, et nous leur avons désigné des épouses et donné des descendants. Jamais il n'a appartenu à un messager d'apporter un signe, sauf avec la permission de Dieu. Pour chaque chose, il y a un terme prescrit. Dieu efface et confirme ce qu'il veut, et auprès de lui se trouve l'écriture mère. إنك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. Que nous te fassions voir une partie de ce dont nous les menaçons, ou que nous te fassions mourir avant cela. Ton devoir ne consiste qu'à transmettre le message, tandis que le nôtre consiste à leur demander des comptes. Ne voit-il pas que sur notre ordre, les frontières de la terre se rétrécissent de tous côtés. Dieu décide, et nul ne peut repousser sa décision. Il est prompt à régler les comptes. Certes, ceux qui ont vécu avant eux ont aussi comploté, mais le stratagème tout entier appartient à Dieu. Il sait ce que chaque âme acquiert. Les mécréants sauront bientôt à qui sera donnée la récompense finale de la demeure éternelle. Ceux qui ne croient pas disent « Tu n'es pas un messager de Dieu. » Dis « Dieu, ainsi que ceux qui ont une vraie connaissance du livre, suffisent comme témoins entre vous et moi. »